Bigira. Eric Ouimana sur la mise en onde. Vous écoutez la radio Isanganiro émettant depuis Bujumbura. Bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée dont voici d'abord les grands titres. Ce sommet crédit qu'ont prêté serment Alain Guillaume Wunyoni et Prosper Badzombanza, respectivement Premier ministre et vice-président de la République. Devant le président et le parlement burundais, ils ont juré fidélité à la charte de l'unité nationale et à la constitution du Burundi, vous l'entendrez. Au sommaire également, cette peine à perpétuité prononcée par le tribunal de grande instance de Cibitoke contre un policier accusé d'avoir assassiné de façon préméditée un militaire du camp Cibitoke. C'est lors de la flagrance clôturée 22h de ce mardi, vous aurez les détails. Et la majoration du budget alloué au secteur économique et l'encouragement au secteur industriel sont les suggestions de l'économiste qui commente le rapport de la Banque africaine de développement optimiste sur la croissance économique du Burundi. Vous suivrez Prosper Niyoboke. L'on vous a également préparé la rubrique par les Rassure-moi. Aujourd'hui, l'on vous parle du langage approprié face aux douleurs des autres. Voilà pour l'essentiel. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour, je venais de vous le dire. Prestation de serment ce mercredi d'Alain Guillaume Wunyoni, Premier ministre, et Prosper Badzombanza, vice-président de la République, et devant le Parlement burundais, le président de la République au Palais des congrès de Kigobe. Dans leur serment, ils ont juré fidélité à la charte de l'unité nationale, à la constitution de la République du Burundi et à la loi. Ils s'engagent également à consacrer toutes leurs forces à la défense des intérêts supérieurs de la nation. Jean-Marie Mayonga a suivi ces activités. Voici son reportage. Devant le président de la République du Burundi, le Parlement et les membres du gouvernement, Prosper Badzombanza, qui a été approuvé par le Parlement ce mardi pour occuper le poste du vice-président, a prêté serment main droite en haut, main gauche tenant le drapeau national et celui de l'unité. Dans ce serment, il a juré être fidèle à la charte de l'unité nationale et à la constitution de la République du Burundi. De même, Alain Guillaume Wunyoni, approuvé par le Parlement pour être premier ministre, a aussi juré d'être fidèle à la charte de l'unité nationale et s'engage à consacrer toutes ses forces à la défense des intérêts supérieurs de la nation. Après prestation du serment, les deux ont apposé leur signature dans le livre devant les membres de la Cour constitutionnelle pour montrer qu'ils entrent dans les fonctions du Premier ministre et du vice-président. Jean-Marie Mayonga, mais quelles sont les missions de ces deux personnalités politiques? Le Premier ministre assure la coordination des activités du gouvernement comme le stipule la constitution burundaise du 7 juin 2018. En cas de démission, il part avec son gouvernement. De son côté, le vice-président de la République peut présider le conseil des ministres sur décret du président de la République en cas de son absence. Les détails avec Moïse Emisako. L'article 129 de la Constitution stipule que le Premier ministre est le chef du gouvernement. Ce dernier coordonne toutes les activités du gouvernement après sa nomination par le président de la République et approuvée par l'Assemblée nationale et le Sénat, votant séparément à la majorité absolue de leurs membres. Le Premier ministre doit jouir uniquement de la nationalité burundaise d'origine. L'article 131 stipule que le Premier ministre prend décision par arrêté. Parmi ses missions, il prend toute mesure d'exécution des décrets présidentiels. Le Premier ministres et les ministres sont solidairement responsables devant le président de la République. La démission du Premier ministre entraîne celle de l'ensemble du gouvernement. Entre autres missions, l'article 132 précise que le Premier ministre anime et coordonne l'action du gouvernement. Il préside en outre les réunions préparatoires du Conseil des ministres. Selon l'article 134 de cette constitution, le règlement d'ordre intérieur du gouvernement précise celui qui anime et coordonne l'action du gouvernement en cas d'empêchement du Premier ministre. Le gouvernement est chargé de la mise en œuvre de la politique de la nation telle que définie par le président de la République. Cependant, à l'article 137, le gouvernement délibère obligatoirement sur la politique générale de l'État, les projets de traités et accords internationaux, les projets de loi, les projets de décrets présidentiels, d'arrêtés du Premier ministre et d'ordonnances des ministres ayant un caractère de réglementation générale. Quant aux missions du vice-président de la République, l'article 122 stipule que celui-ci assiste le président de la République. Le vice-président est nommé par le président de la République et approuvé par l'Assemblée nationale et le Sénat, vota séparément à la majorité absolue de leurs membres. Il est choisi parmi les élus et doit jouir uniquement de la nationalité burundaise d'origine. Il peut être démis de ses fonctions par le président de la République. L'article 125 montre que le président de la République peut par décret déléguer le vice-président de la République la présidence du Conseil des ministres sur un ordre du jour déterminé. En cas de démission, de décès ou toute autre cause de cessation des fonctions du vice-président de la République, un nouveau vice-président de la République est nommé suivant la même procédure par laquelle le prédécesseur a été nommé dans un délai n'excédant pas 30 jours à compter à partir de la cessation définitive des fonctions du vice-président de la République, précise l'article 127. Le président de la République, en collaboration avec le vice-président de la République et le premier ministre, veille à ce que le ministre chargé de la Défense nationale ne soit pas de la même ethnie que le responsable de la police nationale. Merci Moïse Misago. Avant la fin de cette édition, on va donc revenir sur les profils du Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni et Prosper Bazombanza qui est désormais vice-président de la République. Après une courte pause, on va passer, mais visiblement le moment montre que justement Prosper Bazombanza, il n'est pas nouveau à la présidence de la République du Burundi. Il a été vice-président de la République pendant une année, c'est-à-dire de 2014 à 2015, avant d'être nommé vice-président de la République. Bazombanza était à la tête de l'autorité de régulation des assurances, n'est-ce pas Charles Makoto? Prosper Bazombanza est natif de la commune de Lusaka en province de Ngaro. Il est né en 1960. C'est un ingénieur civil en génie électromécanique de l'Université du Burundi depuis 1990. Cet ancien professeur de mathématiques au lycée de Ngaro a été aussi chef de service de maintenance des équipements aux stations de lavage de la Sogestal Kirimiro de 1990 à 1992. De 2002 à 2005, Prosper Bazombanza deviendra gouverneur de la province de Ngaro. Il a été également cadre de la coordination provinciale de l'enseignement des métiers dans cette même province de 2005 à 2010. De 2010 à 2014, il était membre de la Commission nationale télé et autres biens CNTB, militant de l'Union pour le progrès national. Il deviendra de 2014 à 2015 premier vice-président de la République du Burundi en remplacement de Bernard Busokoza, démis de ses fonctions. De 2016 à décembre 2017, Prosper Bazombanza était directeur général de l'Institut national de sécurité sociale INSS. Depuis décembre 2017 à nos jours, M. Bazombanza était secrétaire général de l'Agence de régulation et de contrôle des assurances au Burundi, ARCA. Merci Charles Makoto. On va également revenir tout à l'heure, si jamais l'élément est prêt, sur le profil d'Alain Guillaume Bunyoni, qui est premier ministre. Il était jusqu'à aujourd'hui ministre de la Sécurité publique. Après une courte pause, on va passer en page justice. À 13h05 dans les studios de la radio Isanganiro, je vous rappelle que vous pouvez suivre cette édition via le www.isanganiro.org. Justice, comme je vous le disais, le tribunal de grande instance de Cibitoke a prononcé une peine de servitude pénale à perpétuité contre un policier accusé d'avoir tué volontairement un militaire du camp Cibitoke. C'était au cours du procès de flagrant. C'était nu le soir de ce mardi. Deux autres membres du corps de défense ont écopé de 3 ans de prison. Et un policier a été sanctionné par 2 ans de prison. Ils sont tous accusés de non-assistance à une personne en danger de violation du domicile. L'audience publique a duré 5 heures. Les détails dans ce reportage de Jackson Barati. Il est lu au studio par Yvette Nijimbere. Au cours de ce procès de flagrance, le représentant du ministère public accuse le policier Diomède Inouchobodi d'avoir tué volontairement un militaire du camp de Cibitoke, connu sous le nom de Nazaire Mfayokurela, dans la nuit du 21 au 22 juin. Les 3 autres membres du corps de défense qui étaient avec lui dans une patrouille sont accusés de non-assistance à une personne en danger et de violation du domicile par le même ministère. Ces 3 policiers refutent et ces accusations argumentant qu'ils n'ont pas vu leurs camarades commettre ce crime. Après 5 heures d'audience, le tribunal de grande instance de Cibitoke a prononcé une peine de servitude pénale à perpétuité contre Diomède Inouchobodi. Les membres de la famille ainsi que tous ceux qui étaient Mandela apprécie le jugement rendu. Nous apprécions le jugement rendu par le tribunal. Nous demandons que tous ceux qui commettent de tels crimes soient punis pour que personne ne commette plus de tels actes. Même l'avocat de ces deux policiers apprécie le jugement rendu pour ses clients. Nous avons apprécié le jugement car d'un côté, il y avait peu d'exagération en ce qui est des accusations pour nos clients, mais le tribunal a essayé de changer la nature du crime qui a été commis. Et deux membres du corps de défense ont écopé une peine de 3 ans de prison et un policier a été sanctionné par 2 ans de prison. Merci Yvette et Nijimbele. L'examen de jury qui est organisé à l'intention des élèves finalistes des écoles d'enseignement paramédical permet la maîtrise de la matière enseignée mais aussi la comparaison des performances des écoles paramédicales. C'est ce que dit Dr Jean-Claude, chargé du service formation à cours d'emploi et production des ressources humaines au ministère de la Santé publique ce lundi lors du commencement de cet examen dans tout le pays. Il précise également que cet examen donne accès aux élèves, l'obtention du diplôme d'école et accès à la passation de l'examen d'état suivi. Cet examen a l'avantage de contribuer à l'amélioration de la qualité de la formation dans les écoles paramédicales. Avec cet examen, les élèves et les enseignants essaient de se concentrer pour améliorer leurs prestations respectives. Ça veut dire que l'élève se concentre pour maîtriser sa matière parce qu'il sait qu'il sera un jour évalué par un examen. Diplôme, un examen national, et l'enseignant à son tour s'efforce pour donner un enseignement de qualité. Et finalement, de façon spécifique, l'examen nous permet d'évaluer de façon objective chaque lauréat, mais aussi de comparer la performance des écoles paramédicales du Burundi. Je tiens à souligner que une école dont le taux de réussite n'atteint pas 40% est interdit de recruter pour l'année suivante, jusqu'à ce qu'il puisse atteindre un taux de réussite supérieur ou égal à 40%. Un élève qui échoue à cet examen, il a le droit de reprendre l'année scolaire. Donc, il reprend l'année, il se prépare, et il a le temps de digérer sa matière et de maîtriser sa profession, sa future profession, et il se présente l'année suivante pour repasser l'examen théorique et pratique quand même. Économie à présent, l'augmentation du budget alloué au secteur agricole et l'encouragement du secteur de l'industrie de transformation sont certains des défis à surmonter. C'est l'avis de l'économiste et professeur d'université Jean-Prosper Niyoboke, commentant le rapport de la Banque africaine de développement optimiste sur la reprise et de la croissance du PIB au Burundi depuis 2019. Selon lui, cela permettrait la valorisation de la production agroalimentaire. Suivez plutôt Prosper Niyoboke. Cette croissance est due en grande partie aussi à l'effort conjugué par Robert au niveau de du recouvrement fiscal. Autant, quand je parle d'effort fourni, ça veut dire que c'est la paix qui a été mise en application pour pouvoir aussi chercher à diminuer les cas de fraude, les gens qui jusqu'à nos pays de fisc, mais qui sont contraints à payer. Tout ça, c'est un effort vraiment salutaire de la part du service de l'Aubert. Mais c'est autant, je dirais, le secteur donc, des minéraux. Il ne faudrait pas oublier que les recettes donc, qui sont tirées de ces minéraux sont des recettes qui sont vraiment consistantes, qui font quand même qu'il y ait une marge qui fait qu'il y ait une croissance qui soit remarquable. Autant c'est les actions qui sont en train d'être menées au niveau de l'infrastructure, spécialement au niveau des chantiers de construction des routes, ces barrages. Ça veut dire que l'argent, quoi que c'est l'argent de la Banque mondiale. Oui, pour le moment, c'est de la Banque mondiale, mais c'est un prêt qui doit être rémunéré avec le temps par les Burundais. Pour le moment, pendant que ces actions sont là, les Burundais qui sont employés, qui sont engagés par rapport à ces chantiers, une fois payés leurs salaires respectifs, sont investis au niveau de différentes activités respectives de ces derniers. Et du coup, en agrégation, donc ça fait qu'il y ait quand même quelque chose au niveau de l'économie. Autant je dirais que s'il y a l'effort conjugué de la banque centrale avec la réglementation de change qui a fait que quand même il y ait peu d'expatriation des devises. Tout ça, ça a fait que quand même le paix qu'on a comme devise, ça puisse servir donc au niveau de l'activité économique. Et on revient sur le profil d'Alain Guillaume Bouignoni, désormais Premier ministre. Il a été deux fois ministre de la Sécurité publique. Et il est natif de la mairie de Bujumbura, n'est-ce pas, Aimé Richard Niyonkuru? Alain Guillaume Bouignoni est né à Kanyosha, à mairie de Bujumbura, en 1972. Son parcours intellectuel a commencé en 1978 jusqu'en 1984 à l'école primaire de Kanyosha. La suite de ses études a été accomplie successivement au lycée de Rohero de 1985 à 1990, puis au lycée Lutovu de 1990 à 1993 et à l'université de Burundi en 1994. En 2007, il faisait partie de la délégation gouvernementale chargé de coordonner les programmes en rapport avec la Commission des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Au cours de cette même période, il présidait l'organisation du comité des chefs de police de l'Afrique de l'Est dans le cadre de l'Organisation internationale de la police criminelle Interpol. De 2007 à 2009, Alain Guillaume Bouignoni était président du conseil des ministres des États membres du Centre régional sur les armes légères dans le cadre de la déclaration et du protocole de Nairobi sur les armes légères et de petit calibre. De 2007 à 2014, Alain Guillaume Bouignoni était membre de la Commission nationale de désarmement, de réinsertion et de réintégration. Alain Guillaume Bouignoni possède un diplôme supérieur délivré par l'école publique Emmaüs par correspondance obtenu en 2012. Il a participé aux séminaires et formations sur le leadership au Burundi et au Kenya, puis a fait un recyclage sur le cours terrorisme et extrémisme religieux en Algérie, les cours sur la prévention et la lutte contre le crime organisé et la criminalité transnationale organisé par le FBI National Academy au Maroc et au Ghana. Dans le domaine professionnel, il a été coordinateur de l'état-major général intégré de la police nationale de 2004 à 2005. Il a également occupé de hautes fonctions, notamment le poste de directeur général de la police nationale de Burundi de 2005 à 2007, le poste de ministre de la Sécurité publique de novembre 2007 à novembre 2011, à novembre 2011 d'abord, et de août 2005. Il a été chef de cabinet civil du président de la République de novembre 2011 à novembre 2014. Alain Guillaume Bouignoni fut aussi secrétaire permanent du Conseil national de sécurité et chancelier des ordres nationaux de la République de Burundi de novembre 2014 à août 2015. Depuis août 2015 jusqu'à aujourd'hui, Alain Guillaume Bouignoni était ministre de la Sécurité publique et gestion des catastrophes. Parle, rassure-moi. Dans la rubrique Parle, rassure-moi d'aujourd'hui, nous allons parler du langage approprié face aux douleurs des autres suite à la perte de leurs proches. Jérôme Niyonzima, journaliste œuvrant dans le domaine de la résolution pacifique des conflits, précise que se réjouir de la douleur des autres est interdit dans la culture burundaise. Il prévient que cela peut renforcer la haine entre deux parties en conflit, d'où les vengeances et violences. Jérôme Niyonzima interpelle la population burundaise à toujours considérer leurs valeurs. René Lamucho. Se réjouir de la douleur des autres montre qu'il y a la haine entre celui qui a perdu un proche et l'autre. Jérôme Niyonzima, journaliste œuvrant dans le domaine de la résolution des conflits, trouve que cet esprit est contraire aux valeurs burundaises. Les hommes sont diversifiés, autant aussi les esprits sont diversifiés. Je dirais que pour ces gens qui se réjouissent de la douleur des autres, qui sont fiers de voir d'autres perdre les leurs, ça émane d'un manque d'humanité. Première conséquence, c'est celle de l'éducation des générations futures. Ces enfants, ces jeunes qui grandissent dans un climat où les gens n'ont plus besoin de compatir avec ceux qui ont perdu leur valeur, risquent de grandir en croyant que c'est ça la valeur, alors que c'est vraiment une antivaleur. Selon Niyonzima, ce genre de message provoque à la longue des vengeances et des violences. La deuxième conséquence, c'est sur le conflit lui-même. Le conflit qui était dans le passé, qui n'a peut-être pas été bien résolu, risque de se renforcer et de dégénérer en violence. La troisième et dernière conséquence, qui est des plus graves, c'est que ce conflit peut évoluer en violence et aller jusqu'à ce que les gens maintenant commencent, les deux groupes, maintenant commencent à se déshumaniser, à se considérer mutuellement comme des sauvages. Et maintenant, il est très facile de s'éliminer physiquement. Donc ça peut progresser, dégénérer jusque des massacres de groupes. Il donne des conseils centrés sur le rappel des valeurs burundaises. Les valeurs burundaises sont fondées sur trois piliers. C'est l'humanité qui implique le fait de souffrir avec les autres, de compatir avec ceux qui souffrent et de se réjouir avec ceux qui sont dans la joie. Deuxième pilier de valeurs, c'est lapideux. Il y a des choses qui ne doivent pas être violées. Il y a ce qu'on ne dit pas. Il y a des moments qui exigent qu'on se prosterne, qu'on s'incline, qu'on ne dise pas haut, qu'on ne parle pas comme si on était au stade. Il y a des moments qui sont forts. Et puis là, le troisième pilier, c'est cette solidarité qui a toujours caractérisé les Burundais. Même quelqu'un qui vient de perdre une vache ou une chèvre, les Burundais sont appelés à lui venir en aide, compatir avec. Il recommande également les gens de ne pas souhaiter aux autres ce qu'ils n'aimeraient pas qu'on leur fasse. Merci, on est la moto ainsi s'achève cette édition de la mi-journée. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à Eric Ouimana qui l'a mise en onde. Edine Ben Nibiga, j'étais à sa présentation. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Au revoir.